Seymour. Il est adossé au dictionnaire, le Beretta posé sur ses genoux. Une lumière blanche, aveuglante, entre par les fenêtres et dessine au plafond des ombres fantastiques. Son téléphone refuse de sonner. Il regarde le blessé qui respire au pied des marches. Il n'a pas trouvé le sac à dos. Il n'a pas bougé. C'est l'heure du dîner, et Benny doit être en train de servir les clients du Pig and Pancake, assurant sa 11e heure de travail de la journée. Comme il n'est pas venu la chercher au Saks Inn, elle a sûrement été forcée de demander à quelqu'un de l'emmener. À présent, elle sait sans doute qu'il se passe des choses à la bibliothèque. Elle a dû voir défiler les voitures de police. Au restaurant, il est probable que tout le monde parle de l'affaire, les clients et les employés des cuisines. Une personne retranchée dans la bibliothèque, avec une bombe. Il se dit que le lendemain, il aura rejoint le camp de Bishop, loin dans le nord, auprès de ces guerriers dont la vie a un but et un sens, et qu'il se promènera dans la forêt avec Mathilda, entre ombre et lumière. Mais y croit-il encore vraiment? Un bruit de pas dans l'escalier. Seymour écarte l'une des coques de son casque. C'est Zeno 2 à l'heure. Il le reconnaît quand il arrive aux dernières marches. Un vieil homme fluet, qui porte toujours une cravate et s'installe invariablement près des romans d'amour en gros caractères, perdu derrière un monceau de paperasse qu'il manipule délicatement, tel un prêtre assis devant un ensemble d'objets n'ayant de signification que pour lui.